de perdu encore, que tu me sors à bras le corps, qu'il reste de la lumière dans toutes ces morts. Que tu me sors à bras le corps, peut-être que l'amour s'évapore, tout s'en va comme j'ai peur, qu'à l'intérieur de toi je meurs. J'aimerais que tu me serres fort, que tu qu'on s'exalte d'horizon d'or, que tu t'efforces. Que tu t'efforces à laisser tomber ces vieilles étoiles prêtes à s'écraser. Quand mon corps vient te réchauffer, j'aimerais de tes pensées être l'exclusivité. S'exalte d'horizon d'or, que tu t'efforces à laisser tomber ce que la gravité ne peut te réchauffer, j'entends les étoiles s'écraser, je garde sur ces choses qui tombent, ton cœur qui à mon cœur succombe.